Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب الآن سنصوب التمارينات التي أخذنا في درس سابق ونكوجي لإنفرسيس كما نفعل في أجوزي في درس précédent. Donc, le bidaya kunna al-asile. Donc, avant qu'on ait le texte, les questions qui se rapportent au texte. Al-awwal, ajib an al-as'ilatil atiya. Répond aux questions suivantes. Min aina ha Hisham. Hashim. Innahu min al-hindi. Wa Hisham. هشام هاشم هشام ايش عندك انت؟ اين؟ درس ثاني؟ لا درس الاول هو نعم طيب عفوا كنت في درس ثاني هذا هو ايوه هاشم طيب ونسول من اين هاشم؟ انه من الهندي اي يحبه المدرس؟ إن المدرس يحبه. طيب من أين ساعته؟ دو سا مونتر. إنها من الهندي. بكم هي؟ كم يكوت؟ إنها بمئة روبية. لا. بمئة روبية. نعم. كم أخ له؟ كم يأتي دو فرير؟ لعله ثلاثة إخوة. لعله. لا ما أحتاج إلا علّه يقول كم أخاً له إن له ثلاثة إخوة أيوة. كم أخت له كم يأتي دسر له أربع أخوات أين أخواته وصن سيسر إنهن بالمدينة نبوية طيب ثانيا ضع هذه العلامات أي الخط الخط أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أي صليب الأخوة أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc tu mets un trait devant les phrases qui sont correctes et une croix devant celles qui sont fausses. أولا هاشم طالب كسلان. Est-ce que هاشم est un étudiant fainéant? Un cancre. Non, donc il vient salib, je crois. Hashim talibun mujtahidun. Yani Hashim est un élève studieux. Non, sahiha. Sa'atuhu rakhisatun, sa montre est pas chère. Non. Sa'atuhu ghaliyatun. Salib. Non, fazal est fausse. ساعته بألف روبية صليب نعم ساعته بمية روبية صحيح صحيح أخواته بالمدينة النبوية صحيح أخواته بالهندي صليب نعم طيب إذن قلنا ما سيكوال طيب أفنصا Il y avait un autre. Rob Kam. Rob Kam. Rob Kam. Rob Kam. Rob Kam. Rob Kam. Rob Kam. Tu lis les phrases en mettant les harakat sur les mots. Oui, ça a dit. Il y avait ça à faire. Ah, ça n'y a pas. Comme un coup de temps.

Comme Anissa Zahabna. La Talibat, Lesna. La Canoun, Fakot. Non. La Talibat, Lesna, Fil Maktabi. Maktabati. Antunna, Talibatun, Djududun. Vous êtes des étudiantes nouvelles. Antunna, Lestunna. Non. Talibatun, Djududun. Djududin. Là. Dis. Lestunna, Talibatun. Là. Là, le khabar, Laïssa, à la base, ça va être Talibat. C'est lui qui va prendre le harfoujar. Antunna, Lestunna, Bi. Talibatin. Non. Joudoudoun. Là. Naat. Joudoudin alors. Non. Antunna, Lestunna, Bi Talibatin, Joudoudin. Hakada. Vous voyez ? C'est simple. Le. Voilà, parce qu'ils ont mis une. Ils ont mis le Moutada, ils l'ont remplacé. S'ils l'avaient enlevé, ça aurait été plus simple que, par rapport aux exemples que moi je t'ai mis, mais ils n'ont pas fait comme ça, eux. Tahra, Inch'Allah. Sa'adisan, Adib al-Asilatil Atiya bin Nafi Mustamalan Leïsa. C'est-à-dire, répond aux questions suivantes par une négation en utilisant Leïsa. Et là, tu vas le faire sans bi. Vous voyez, on va le laisser d'origine. Avec ism Leïsa ou khabar Leïsa. On a dit ism Leïsa, il est marfou, ou khabar Leïsa, il est mansoub. Eh, muhandisun abouka. Abi. Yakul la. La. Abi Leïsa muhandisan. Naam. Eh, mudarrisatun ummuk. La ummi Leïsat mudarrisatan. Naam. Atulabun ikhwatuk. La ikhwati laysu aywa tullaban. Naam. A mumarridatun akhawatuk. Est-ce que tes sœurs sont des soignantes? J'ai oublié de le traduire pour les autres, mais bon, c'est des phrases simples. La akhawati lesna. Naam, lesna. Lesna mumarridatan. La, tu vas dire mumarridatin. Mumarridatin. Le djamu anas faïda, comme tu verras plus tard, c'est pas sujet du def. Le djamu anas salim. Quand il est mansoub, c'est pas avec une fatha. Il est parmi les choses qui sortent de l'origine. C'est avec une kasra. Taïeb, ça viendra après, Inch'Allah. Taïeb. Un mudarrisoun, anta, es-tu enseignant? La. Lestu, ana lestu, mudarrisan. Ajududun, antum. La. Est-ce que vous êtes nouveau? Nahnu, lesna. Lesna. Lesna. On peut bien différencier que nous n'y soyons. Lesna. Joudouden. Naam. Adjadidatun. Seyyaratuk. Est-ce que ta voiture nouvelle, neuve? La. Seyyarati. Leysa. Ma. Lesta. La. Je l'ai dit tout à l'heure. Lesna. Là, c'est Rahib Mouannas Moufrad. C'est un singulier, féminin, absent. Qu'est-ce que tu as coulé? Laïset. Naam. La siyarati laïset jadidatan. Naam. Mafoum ça là? Naam. Tayyib. Yakul sabi'an, yuwajjihu al-mudarrisu ila kull min at-tullab as'ilatan yakun jawabuha bil nafi wa yarud 'alayhim wa yarud 'alayhi at-talibu mustamilan laystu. Nahu. C'est-à-dire que celui qui donne le ders, le prof, il donne des questions dont la réponse doit être une négation avec l'Aïssa. Masalan akullak. E anta min Tunis. La, ana laysa min Tunis. Laysa la ana laysa. Ana laysa min Tunis. La, laysa ana laysa. Lestu. Aywa, lestu. Min Tunis. La, ana lestu min Tunis. On peut supprimer le ana, dire directement la, lestu min Tunis. Je peux supprimer le ana. Anta akhu Ismaïla. La, lestu akhu Ismaïla. La, lestu. C'est une question piège là. La, laisse, laisse, laisse cette question là. Anta sahiba Ismaïla. وأنت صاحب وفاة إسماعيل. لا لست صاحب صاحب إسماعيل. نعم هنا صاحب مضاف إسماعيل مضاف إليه. إسماعيل بكل الفتحة. Parce que c'est un nom. لا لا c'est مضاف إليه. Parce qu'il est من الصرف. نعم. الأخ عفوا j'ai oublié qu'on n'avait pas compris la règle du nasb avec أخ. Ça viendra dans le kitab, Inch'Allah. Tayyib. Voilà ma foum. Ça va? Tayyib. Elle nous coûte, j'ai dit, là. On revient. Avec Inna. Comme ça, voilà. وتكتب هذا أولا؟ نعم طيب اكتبه طيب on se rappelle qu'on avait pris dans le Moubtada et le Khabar auparavant que le Moubtada il peut être Moukaddam ou Mouakhar il peut être soit avancé ou Afouan et le Khabar Mouakhar et que le Khabar il peut être le Moubtada tu fais passer après le Khabar tu fais passer avant le Moubtada مثلاً tu dis لي ثلاثة مثلا إخوة طيب ثلاثة إخواتين جي ثلاثة فرير لا المبتدا اللي هو إخواتين ثلاثة هل المبتدا سي ثلاثة طيب إلي مبتدا مؤخر إلي خبر مقدم على الأغلب سي ثلاثة إخوة لي مي سا سدي با maintenant si on entre إن on va dire comment المبتدا il va devenir quoi maintenant il va devenir اسم إن Donc il va prendre son irlob. Il va prendre. Aïwa. Innali. Thalathata. Ikhwatin. Ça, ça change pas. Et là, pareil, c'est ism inna mu'akhar. Et la li, c'est khabar inna muqaddam. C'est les mêmes règles. Ce qui change, c'est la haraka. Toutes les règles qu'on a apprises dans Mubtada et Khabar, elles s'appliquent avec Inna. Elles s'appliquent avec la Allah. Elles s'appliquent avec Leïsa. Et les autres choses qui vont arriver plus tard, qui sont les choses qui rentrent dans Mubtada et Khabar, qui changent son irlob, sa grammaire. Quand même. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qui vient là. Le point qui suit, le dernier, Inch'Allah. Il dit Ikra al-misal thumma atril Inna al-jumal atiya. Mathalan yakul li salasu. Akhawatin. Pourquoi il a dit salasu et pas salasatu? Parce que akhawat. Non. Osluhu, l'origine de cette phrase, c'est salasu akhawatin li. À la base, salasu li mutada et li les khawar. Et là, on a fait quoi? On a fait un mutada mu'akhar. Vous voyez? On l'a déplacé et on a mis un khawar mukaddam. Comme on l'a appris auparavant. Donc maintenant, si on rentre inna, on dit inna li salasa. Akhawatin. Ou Osluhu, son origine à la base, c'est Inna Salasa Akhawatin Li. C'est l'origine. Ce mot-là, on a fait passer quoi le khabar devant